France Inter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La séance est ouverte depuis le théâtre du Vieux Colombier à Paris avec les comédiens du Français. Aujourd'hui, le comité secret de juin 1916. Les débuts de la guerre, on le sait, ont laissé le beau rôle aux chefs militaires, à Joffre en particulier, qui dans son état-major de Chantilly se présentait comme un nouveau Cincinnatus, dictateur romain. Abel Ferry, député et volontaire pour se porter sur le front, se plaignait fin 14 que les généraux mangent du civil. Jaurès d'ailleurs, avant de mourir, avait déjà prévenu qu'il pourrait être mortel pour la démocratie de laisser à l'armée la seule responsabilité de la guerre. Quand le conflit s'enlise en 1915, les faits semblent lui donner raison, et plus encore en février 1916, avec l'attaque des Allemands à Verdun, contenue par miracle. À mesure que s'éternise face au monde cette bataille autour d'une ville symbole, les parlementaires tentent de se faire une idée de la situation en se rendant sur place. Et ceux qui sont sous l'uniforme font le va-et-vient avec Paris, tel Abel Ferry encore. Drian, colonel député, passe lui par-dessus la tête de ses supérieurs et envoie directement ses observations au gouvernement. Même sous l'uniforme, un député reste un représentant du peuple, comme chaque civil demeure un citoyen. Au Palais Bourbon, l'habitude se prend de se réunir en comité secret à huis clos. Il s'agit pour le Parlement d'exercer sa responsabilité face à l'état-major et à un président du Conseil, Aristide Briand, qui semble ne faire qu'un bloc inaccessible à toute critique. La confiance leur sera-t-elle consentie ? Les séances du 16 au 22 juin 1916 sont présidées par Paul Deschanel. La parole est à André Maginot, député de la Meuse. Messieurs, ce n'est pas sans une profonde émotion que je monte à la tribune dans la circonstance. L'heure est assez grave pour que chacun de nous, s'élevant à la hauteur de son devoir, n'ait en vue que l'intérêt du pays. S'il en est ici qui soit assez perverti par la politique pour ne voir dans le débat qui s'engage qu'une joute entre les intérêts personnels ou qu'une querelle ordinaire entre champions et adversaires d'un cabinet, tant pis pour eux. Ils sont au-dessous de leur présent. Après 22 mois de guerre, il n'est tout de même pas étonnant que des représentants du pays, qui ont accepté la mission de veiller à ses intérêts, éprouvent le besoin de s'expliquer avec le gouvernement sur la situation. Ce qui pourrait paraître étonnant, c'est que jusqu'à présent, nous nous soyons tus. Nous nous sommes tus par discipline, parce que nous estimions qu'il valait mieux ne pas aborder même certaines questions. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le pays ne nous demande pas compte un jour de ce grand silence. Très bien. Très bien, très bien. Nous nous sommes tus. Aussi parce que, jusqu'à ces derniers temps, trompés nous-mêmes, comme l'opinion publique, par l'optimisme officiel de ceux qui nous gouvernent et qui nous commandent, nous faisions confiance à leurs paroles, à leurs déclarations, à ce que nous disaient leurs journaux. Il régnait une telle atmosphère de sérénité et de certitude dans les hautes sphères qu'une parole qui n'eût pas été un acte de foi dans les événements ou une approbation de nos dirigeants eût retenti comme une parole impie, exposant son auteur au reproche d'être un mauvais Français. on nous disait que tout allait bien. Que la guerre telle que nous la menions usait nos adversaires plus que nous, numériquement, économiquement, financièrement, que nous n'avions qu'à persévérer dans ces méthodes et à attendre avec confiance l'heure où l'affaiblissement de l'ennemi nous permettrait la percée et la victoire finale. Nous les grignotons, disait une voix autorisée. On nous représentait les pertes de l'ennemi comme étant au moins le double des nôtres. Et on nous laissait entrevoir dans un avenir qui ne pouvait manquer d'être prochain, la famine en Allemagne, la dégringolade du Mark, l'insurrection de Berlin. Il nous plaisait, messieurs, d'entendre tout cela. Car nous aimons assez notre pays pour prêter une oreille complaisante aux appréciations et aux prédictions qui lui sont le plus favorables. Sans doute ces choses-là auraient-elles pu se prolonger pendant longtemps ainsi, si, dans ces derniers temps, des indications plus exactes sur nos pertes et sur celles de l'ennemi, si, d'autre part, les événements de Verdun étaient venus nous découvrir la réalité sous un jour tout différent de celui où nous l'avions considéré jusque-là. Il serait puéril de continuer à nous leurrer. C'est là un bluff qui a fait son temps. Le moment est venu de regarder la situation en face pour savoir où nous allons. Il faut changer de direction et de méthode pendant qu'il en est encore temps. L'affaire de Verdun a révélé à quel degré d'impréparation pouvait conduire l'imprévoyance et la passivité de notre haut commandement. Il s'est borné à une défensive passive, croyant que le temps travaillait pour lui et que les heures qui passaient lui tenaient lieu d'initiative. Ce ne sont pas les offensives partielles par lesquelles il sortait de temps en temps de son inertie qui peuvent infirmer ce que je viens de dire. Nous n'avons jamais pratiqué la guerre d'usure. Voilà la vérité. Nous avons laissé les Allemands la pratiquer contre nous. Très bien. C'est le contraire de tout ce qu'on nous a dit depuis 22 mois. C'est parce que notre commandement n'a pas su pratiquer la guerre d'usure que nous nous apercevons aujourd'hui que nos pertes sont proportionnellement plus élevées que celles des Allemands. Il convient donc de mettre une sourdine, au moins entre nous, à des cris de victoire que les faits justifient si peu. Qu'au dehors, nous cherchions, par une présentation plus habile que sincère, des réalités à maintenir la confiance du pays et à impressionner en notre faveur l'opinion des étrangers, je n'y vois pas d'inconvénient, à la condition toutefois que nous ne nous laissions pas prendre nous-mêmes aux illusions que nous cherchons à répandre. Ici, dans les circonstances où nous sommes, nous nous devons la vérité. Or, la vérité, c'est que l'affaire de Verdun a failli constituer pour nous un gros échec. Et que seule l'admirable résistance de nos soldats... Bravo ! L'admirable héroïsme de nos soldats a empêché et empêche encore cet échec de se produire. L'héroïsme des uns est arrivé à contrebalancer l'imprévoyance des autres. Parfaitement ! Se laissant devancer en toutes circonstances, incapable de jamais imposer sa volonté à l'ennemi, vivant au jour le jour, sans méthode et sans plan, continuant à croire au miracle, à compter sur lui comme sur tous les facteurs étrangers à son propre effort, oui, nous occasionnant par sa négligence et par ses fautes de lourdes pertes, sous les apparences de ménager le sang de la France, notre haut commandement a fait suffisamment ses preuves et il ne nous est plus possible de les lui laisser continuer. Oui ! Bravo ! Messieurs, ce n'est pas à lui que nous pouvons nous en prendre ici de ses imprévoyances et de ses fautes. Nous n'avons pas à prendre ni à proposer de sanctions contre le haut commandement. c'est au gouvernement. Au gouvernement, seul responsable devant nous, que nous nous adressons. Il est responsable des fautes et des défaillances de ses subordonnés. Entièrement. En ne se décidant pas à prendre contre les mesures qui s'imposaient. Il est responsable aussi de notre situation actuelle, qu'il n'a rien fait et ne veut rien faire pour rendre moins critique. Dites aux gens influents que vous connaissez, à votre retour à Paris, disait l'autre jour à l'un de mes amis qui avait été le voir dans son secteur près de Verdun, un de nos officiers généraux les plus distingués, n'hésitez pas à leur dire que la patrie est en danger. C'est de l'enceinte même où siégeaient les représentants du peuple que partait autrefois ce vibrant appel à toutes les énergies nationales. Une mobilisation suprême de tous les cœurs, de tous les cerveaux, de toutes les volontés en vue de la victoire. Je regrette qu'aujourd'hui, ce soit des tranchées que nous vienne ce cri. Cela prouve en effet qu'on y voit plus clair là-bas qu'ici. Eh bien, messieurs, il faut y voir clair. Et il ne faut pas avoir peur de la clarté sous prétexte qu'elle pourrait troubler notre quiétude. Car nous sommes responsables des intérêts du pays comme nous sommes comptables du sang de nos soldats et comptables de la victoire. Oui, bravo ! Très bien ! Mais moi, je vous mettrai au courant de tout. Vous saurez exactement la situation quand vous m'aurez entendu. Je donne d'abord la parole à Monsieur Épivant de la Villebois-Nais, député du Morbihan. Il n'y a guère que le Parlement qui n'ait pas été informé suffisamment. Très bien. Car il est bien certain que le peuple, et le peuple tout entier, sait à quoi s'en tenir à l'heure actuelle. Je me souviens d'avoir vu des lettres de soldats envoyées à leur famille après les événements d'Artois du 6 mars 1915. Ces lettres, après des lettres nombreuses qui avaient été toujours pleines d'enthousiasme, toujours sans aucune critique, ces lettres, au contraire, ces lettres nouvelles, disaient très carrément et en propres termes, nous ne sommes pas commandés. Oui, bravo. On nous envoie à la boucherie. Messieurs, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le gouvernement ne peut pas continuer comme il l'a fait. Il faut arriver à un contrôle parlementaire, un contrôle dans la zone des armées. Très bien. Monsieur Abel Ferry, député des Vosges, vous avez la parole. Quand il tombe 1500 Français par jour, nul ne doit avoir le droit de commettre une faute. Car des fautes comme celle de Verdun ne se réparent qu'avec des sacrifices de vie française. Aujourd'hui, après 20 mois de guerre, l'opinion commence à s'émouvoir. Elle sait, elle commence à savoir que nous n'avons pas partout d'organisation défensive. Oui, nos organisations défensives se sont faites de briques et de brocs. Ici, parce qu'un général d'armée, là, parce qu'un général de corps d'armée en prenait l'initiative. Nous n'avons attaqué nos secondes et troisièmes lignes en Argonne qu'après les attaques allemandes. Au point de vue offensif, c'est encore pire. Comptez donc les champs de bataille aménagés pour les attaques possibles. 25 km en Champagne. 25 km sur d'autres points, sur un front de 800 km. Et c'est tout. Et Verdun lui-même. Verdun n'est qu'une démonstration sanglante et douloureuse d'une situation générale commune à presque tout le front et qui avait été vainement constatée et signalée par nous. Mais alors, quelle preuve plus éclatante fournie par les faits que depuis 20 mois, il n'y a pas eu de commandement. Un haut commandement auquel vous avez livré sans contrôle la zone des armées, les destins du pays, a laissé les choses dans cet état. Non, non. Croyez-vous qu'il ne nous soit pas pénible d'élever devant la Chambre sur le haut commandement de telles critiques ? Seulement, de défaillance en défaillance, vous obligez maintenant la Chambre, pour sauver le pays, à prendre à votre place vos responsabilités. C'est d'ailleurs la force de guerre des démocrates. Lorsque les gouvernements sont défaillants ou impuissants, comme c'est le cas pour l'organisation de la zone des armées, le peuple peut, par ses représentants, faire entendre sa volonté. Ouais. Bravo. Je sais que vous nous direz, il y a l'opinion. Quelle opinion ? Celle de quelques propriétaires de grands journaux ? Ou bien celle des poilus, de retour de Verdun, qui savent, pour n'avoir pas eu d'abri et d'organisation, ce qu'est l'insuffisance du haut commandement. Très bien. Au milieu de tant de périls et de difficultés, quelle organisation nous apportez-vous ? Des sous-secrétaires d'État de la guerre, dont les pouvoirs s'arrêtent à la limite de la zone des armées ? Deux ministères de la guerre, un ministère de la guerre à Paris, un autre ministère dans la zone des armées ? Voulez-vous une preuve éclatante des inconvénients et des faiblesses de cette conduite bicéphale de la guerre ? Rien que pour le secteur de Verdun, les Allemands avaient établi 10 lignes de chemin de fer et en avaient 14 à voie normale. Nous n'en avions fait aucune. En vain, les commissions entassaient-elles rapport sur rapport, faisaient-elles démarche sur démarche ? Notre gouvernement se dérobait derrière un autre gouvernement, celui de la zone des armées. Oui. Bien que nous ayons le matériel, nous n'avons pas pu construire de voies ferrées. Et dans l'éclair sanglant du ciel de Verdun, cette vérité peut être proclamée à la tribune. Deux Frances luttant séparément, chacune dans sa zone, contre le même envahisseur. Deux ministères qui s'ignorent et qui se passent les responsabilités comme on joue à la pelote. Bravo. Eh bien, voilà pourquoi nous vous avons demandé de vous réunir aujourd'hui, en séance secrète, pour qu'on en finisse avec cette fuite devant la responsabilité. Ouais, bravo. Non pas pour parler de tout et pour n'agir en rien, comme le voudrait le gouvernement, mais pour aboutir... Je prends toutes les responsabilités. Pour régler définitivement les rapports du gouvernement et du haut commandement, et pour établir enfin une unité dans la conduite de la guerre et dans l'exploitation des forces matérielles et morales du pays. La plus importante de toutes les questions de l'heure présente, c'est l'organisation défensive et offensive de notre front. Eh bien, prenons garde, messieurs. Le Parlement est à l'heure présente la dernière réserve de guerre de ce pays. Oui, messieurs, de vous tous peuvent, à l'heure qu'il est, sortir des énergies de contrôle et d'action. Ne laissez pas briser aujourd'hui ce qui est le suprême espoir du pays, l'action et le contrôle du Parlement. Le Parlement n'est pas aussi impopulaire que voudraient bien le faire croire certains journaux. Oui. Allez à l'armée et vous saurez... Et vous saurez... Allez aux armées, mais pas dans les états-majors, dans les tranchées. Et vous saurez que chez les officiers de troupes, et permettez-moi d'ajouter, même dans les postes de commandement plus élevés, on espère dans le Parlement. Seulement, il faut qu'aujourd'hui, il ose. Allez donc dire, quand on apprendra que dans cette séance secrète, vous avez su... Allez dire aux 60 divisions, aux 600 000 fantassins qui ont passé dans les tranchées sans abri de Verdun depuis 3 mois, aux millions d'hommes de toute l'armée qui ont passé sur le front de Verdun, allez donc dire que vous avez su et que vous n'avez pas agi. Je donne la parole à Monsieur Pierre Renaudel, député du Var. Monsieur Renaudel. C'est une occasion pour nous de nous poser le problème de savoir si la place des parlementaires est aux armées ou si, au contraire, il faut prendre une autre position. Je crois, même au risque de m'exposer à des injures fréquentes, que le rôle du parlementaire est d'être à sa place, c'est-à-dire au contrôle des événements militaires. Bravo ! Pour que le contrôle du Parlement s'exerce et puisse s'exercer. Ah, les courageux de la Chambre, allez donc vous battre. Et vous ? La parole est au président du Conseil, monsieur Aristide Briand, je vous prie. Il ne faut pas prendre dans des événements aussi complexes, aussi redoutables que ceux que nous traversons, des points particuliers pour les isoler et pour porter sur l'ensemble qu'on connaît moins bien des jugements définitifs. Il faut avoir confiance et il importe dans les circonstances où nous sommes que, si rudes que soient les coups du sort, à aucun moment ceux qui ont la charge des événements ne perdent ni sang-froid ni confiance. Que voulait l'Allemagne en nous attaquant à Verdun ? Rendre la France impuissante à l'offensive, l'atteindre dans ses espérances, la démoraliser, l'appeler à signer la paix. Eh bien, messieurs, Verdun a résisté. Et quand on sait ce qu'avait espéré l'Allemagne de son effort contre la place forte, quand on sait les préparations qu'elle avait faites pour assurer son succès, j'ai le droit de dire qu'à Verdun, l'Allemagne a été vaincue. J'ai le droit de dire qu'à Verdun a commencé à se dessiner la grande figure de la victoire des Alliés. Que cela vous appelle, messieurs, je vous en supplie, à écarter de vous l'émotion rapide qu'on fait naître facilement, surtout dans l'angoisse d'événements terribles, dans les couloirs de la Chambre, quand on s'en va promenant des affirmations ou des documents tronqués. Messieurs, c'est la guerre. Vous le savez bien. Non, monsieur Briand, s'il vous plaît, prenez au grand chef. Je comprends très bien votre émotion. Je suppose qu'il n'est personne ici qui ne la partage quand nous sommes en face de la terrible liste des morts. Mais si vous voulez que s'arrête le flot de sang, et il ne peut s'arrêter que par la victoire... Impossible. Monsieur le Président. Mais messieurs, il n'y a pas dans le règlement de notre Assemblée de peine disciplinaire pour une parole qui n'est pas française. Bravo. Celle que nous venons d'entendre est au-dessous du règlement. Il ne faut pas dramatiser, monsieur le Président. Messieurs, il faut que demain, nos délibérations terminées, les portes réouvertes au public, la France nous trouve unis. Si elle voit passer sur nous le grand frisson d'union sacrée qui fit si belle les séances du début de la guerre, soyez sûrs que d'un bout à l'autre du pays, on criera « Bravo !» Soyez sûrs que le soldat sortant de sa tranchée vous dira à vous, mandataire du peuple, « Merci. Vous nous avez donné un nouveau moyen de vaincre et vous avez augmenté notre confiance dans la victoire. » Nous voulons des actes et non de longs discours. Je donne la parole à Alexandre Varenne, député du Puy-de-Dôme. La Chambre a maintenant à statuer. Jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, le Parlement était responsable, mais d'une responsabilité indirecte et en quelque sorte lointaine. À partir d'aujourd'hui, il sait. Sa responsabilité commence. Très bien. Mais alors, puisque sa responsabilité commence, il faut que sa collaboration et son contrôle commencent en même temps. Contrôle, mais pas collaboration. Personne ici ne prétend donner des ordres aux généraux. Substituer la responsabilité des députés à celle du gouvernement et des chefs. Mais ce que nous pouvons faire, c'est aller voir si toutes les conditions matérielles et morales de la victoire sont bien réunies, si tous les besoins matériels et moraux des troupes et des chefs sont bien satisfaits. Eh bien, pour cela, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un procédé possible. C'est la délégation directe du Parlement aux armées. C'est empiété sur l'exécutif. La parole est au président du Conseil, monsieur Aristide Briand. Messieurs, de par la Constitution, vous avez vos attributions et le gouvernement a les siennes. Ce qui serait pire que tout, en tout temps, mais spécialement en temps de guerre, ce serait qu'il y eût une confusion de pouvoirs, qui déplaça les responsabilités, ou plutôt qui mit les responsabilités là où n'est pas l'autorité. Et c'est une nécessité pour le gouvernement que le contrôle des chambres ne soit pas pour lui une entrave susceptible d'affaiblir son autorité, mais qu'il s'exerce au contraire pour l'aider et augmenter son autorité. Si vous avez cette conception du contrôle, nous sommes pleinement d'accord. Je donne la parole à Monsieur Albert Fabre, député de Charente-Inférieure. Monsieur le Président du Conseil, il y a, au fond de nous tous, à droite, à gauche, au centre, ici dans cette Assemblée, là-bas au Sénat, la même pensée. Dans l'esprit de tous ceux qui reviennent du front, il y a en ce moment la même pensée angoissante. Dans quelles conditions va être conduite la guerre ? Eh bien, nous disons tous, parce que nous sommes tous angoissés. Est-ce que vous croyez que nous allons pouvoir continuer la pratique des méthodes qui, depuis 22 mois, se poursuit ? Bravo ! Nous disons qu'il faut des méthodes nouvelles. Il y a pour nous la nécessité de la transformation complète de tout un système. Ouais, ouais. Messieurs, il faut conclure. Il y a plusieurs possibilités d'ordre du jour. Je vous donne lecture de celui-ci que vous pourrez adopter ou refuser. La Chambre se déclare résolue à continuer de donner, en collaboration étroite avec le gouvernement, une impulsion de plus en plus vigoureuse à la défense du pays. Elle décide en conséquence d'instituer et d'organiser une délégation directe qui exercera, avec le concours du gouvernement, le contrôle effectif et sur place de tous les services ayant la mission de pourvoir aux besoins de l'armée. La Chambre prend acte des efforts déjà faits par le gouvernement. Elle lui fait confiance pour que, l'expérience du passé aidant, il continue à employer toute son énergie pour fortifier la direction de la guerre. La Chambre salue avec émotion l'admirable ardeur des armées et des flottes de la République et de ses alliés, et elle proclame sa force accrue dans la victoire du droit et de la liberté des peuples. Devant votre approbation, je mets aux voix l'ordre du jour. Le scrutin se fera à main levée. Pour l'adoption, 444 voix. Contre l'adoption, l'ordre du jour, messieurs, est adopté. Et la séance levée, Bruno Raffaelli, était André Maginot, Pierre Ancis, le lieutenant-soldat combattant et député Abel Ferry, Michel Favori, le président du Conseil, Aristide Briand. Dans l'hémicycle, Alexis et Timothée Chevalier, Grégoire Roqueplot, l'équipe du Vieux Colombier et l'équipe de Radio France, Christian Colombier, Pascal Ledimna, Samuel Maître, Gérard Cognet, Laurent César, Mathieu Leroy et à la réalisation, Stéphane Ronxin.